Mais ça t'a mise de mauvaise humeur. Je te donnais tant d'amour et on s'est perdu dans la brume. Je pourrais mourir ici, mourir pour ces caresses. Une dernière et après j'arrête. Le soleil viendra après la verse. Ce n'est que des souvenirs. Oh, mi amore, je voulais qu'on danse, qu'on danse sur les toits du monde. Y'a ton fantôme qui me suit dans les hôtels, dans les suites. Je suis le roi dans un royaume vide. Oh oui, j'ai le cœur qui se fit. Everybody hurts sometimes. me laisser, mon année. Faut me laisser, t'es condamné. Tu m'as délaissé depuis tant d'années. Mais sache que personne ne t'aimera comme moi. But we said, whatever that we said, and what we made, we know we cannot make. And what we get is only what we get. Mais sache que personne ne t'aimera comme moi. Voy a murmurar para ir.

Est-ce que t'es une fêtarde? Tu veux que je pose des talons? Et sous tes pieds les pétales, ouais, ouais. L'art c'est sale, quand il y a tous mes raps. On fait chiser le marchand de sable, et on t'invite à nos tables, ouais, ouais. Comme un nouveau départ, adieu la gloire. d'où je viens, qu'on vivra jamais serein. La mort a pas de promesse, y'a que l'amour qui reste. J'oublierai pas d'où je viens. Je tomberai pas dans le pas. Ces valeurs, je marche dessus, moi j'ai pas peur. Comme la fin du meilleur des mondes, un empire qui s'effondre. Je vendrai pas mon âme au diable pour voir personne à ma table. Ignorant de la fable, le démon et les flammes, je vendrai pas mon âme au diable. Je tomberai pas dans le pas. Plus de frères, que tu brilles ou tu perds, je tomberai pas dans le panneau. Je laisserai personne sur le carreau. La guerre se prendra tôt. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je laisserai personne sur le carreau. No sirve que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe, te quedó grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby, sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones, pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva, no, de lo que me hiciste si no te acuerdas. Parquearme, tengo uno que está listo para llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. Perdiste el tiempo, quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea, pagándome así. Trata de dos patas. al diablo, tú eres un cuero. No digas te quiero, mejor sé sincero. No digas te amo, porque eso fue en vano. Llorando estaba tú y como no te salí. Anda comiéndote a otra, pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Repítelo, mami. A veces no te cambio por algo mejor. Y ni siquiera algo más rico. Karol G y Becky G. It's the real G, baby. O.V. on the drums. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Toutes les choses que je ne t'avais jamais dites, que ta peau a l'odeur des roses, que j'adore le prénom Edith. Je t'aurais dit toutes les choses qu'on ne dit pas assez souvent, car souvent dans la vie on n'ose pas dire les choses tant qu'il est temps. Je t'aurais raconté la mer, que tu la vois une fois encore. On aurait viré l'infirmière, puis on aurait rigolé fort. Je t'aurais dit que ton visage me fait penser à l'océan, que tes rides ressemblent à des vagues où vont se baigner les enfants.

être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, ouais. Je m'aime pas si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont dérisoires. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. J'aurais beau pleurer, conquérir la terre, j'aurais beau être un don. Quand les tragédies pleuvent, y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame. Quand l'horreur te fait du charme, y a pas de recette. Toi t'en avais pas non plus, personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner cet humain, l'avenir c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois, ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser, exister. Chanter comme une résilience, une délivrance. Chanter comme une évidence. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire. Trouver le coup.

ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.

fácil acordar. Olhar pro lado e você não está. Meu coração parece até parar. Vou te esperar na mesma hora, no mesmo lugar. Tenho certeza que tu vais voltar. E todo meu amor vai te entregar. Vou te esperar na mesma hora, no mesmo lugar. Tenho certeza que você me quer. Vivo de mi mente, mi vida siempre está presente, papi. Mi corazón tiene tanto dolor. No te olvido, tu piel, tu olor. Nada de significado por ti, nene. Mi amor es sagrado. Voy a esperar la misma hora, en el mismo lugar. Tengo certeza que você vai voltar. Y todo meu amor vou te entregar. Voy a esperar. Se você me quer, tudo o mundo se você quiser, vou te esperar. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, j'en le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation. Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications. Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow. Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos. Pourquoi aller en concert? Tu m'as tout mis sur YouTube. Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs. Je fais plus gaffe à l'orthographe depuis que je te parle avec mes doigts. Mes gosses font plus toboggan, ils préfèrent jouer. Mon précieux, mon précieux, mon précieux. avez 39 nouvelles demandes d'amis. Vous avez 120 nouveaux likes. Vous n'avez pas vu vos amis depuis 2 mois. Votre vie est digitale. Belle sur Arc-en-Ciel. Petit monde, où t'étais? Comprends-moi, tout était difficile. Petit monde.

je crois. En nous un ami appelle, en se déchirant la voix. Ainsi l'on n'est jamais seul, même au dernier repas. Allez viens qu'on oublie les mots, les regrets. Allez tiens dans mes nuits la lampe allumée. Je demande un peu de rêve, de vérité. Ramenez-moi, ramenez-la. Adoucis l'innocence, versez l'insouciance. Attends, tu pourrais me filmer ? Tu sais, je suis pas prête à te voir grandir. J'ai peur de ce que tu vas devenir. Parce que je sais ce que c'est d'avoir mal. Et je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal. Tu sais, je veux que tu sois heureuse. Et je veux te voir tomber amoureuse. Et même si je veux te protéger, parfois je vais devoir te voir tomber. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas la même erreur. Je sais que c'est pas simple de croiser les miroirs, que tu vas parfois pleurer dans le noir. Je l'ai vécu mille fois avant toi, c'est encore à l'intérieur de moi. Et si c'est dur de pas regarder les autres sans te sentir oublié, il faut que tu saches que je te comprends, que grandir parfois ça prend du temps. Et si les filles te semble fragile, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends. live in the building. Bim bari bam, bim bari bam. Brother music in a house, that's a bass but a win. Breaking man in a house, that's a bass but a win. Sad boy in a house, that's a bass but a win. Dynamo in a house, that's a bass but a win. Je n'ai bien tout, notre plan par un gars qui se move. Zenana, papa, gars qui louche, t'as dans sa moute, un jour de chou. Corinthe de température, fresquine, pas trop mes skintura. Staff pour le monde, pour mon altura. Oh, je vais bien pas faire locura, yeah. Oh, gagnant, ok, l'autre a dit pas vivre. Oh, gagnant, ok, l'autre a dit pas vivre. Ça pourra nous te répéter. On va coucher, n'y a pas d'abord d'un cocher. Oh, y'a que je novinha, la praia de Beijinha, la junca et pirinha, un gasta perderinha. Ah, bobé, boé que t'a manda. Hoje ninguém cá te leva mal. Escoce, um festa de carnaval. Oh, oh, oh, tudo maneiro é batagar. Oh, oh, oh, batucada na lugar. Meu bobo pode chamar Kika, creio ouvir minha voz, eu sou ligar borrar. Creio olhar, botar chame na meio de sapo, sem guerra, nem a terra, não crê. Manchei na festa, não crê. Olha criadas, mexer. Trazemos amiga, vou dizer que hoje que beija na boca. Sem compromisso, me bebe na polpa. Mim tem que ele tempero, tá na moda. De uma minuto, dou-me a fazer de roda. E tem que esbotar, só tá a gostar. Tem que escusar, só tá a gostar. Trazer só quem já tá a aguentar. Que foi ressaca, tá bem manhã. Oh, ganhar ou perder, eu vou estar aqui pra viver. Oh, ganhar ou perder, eu vou estar aqui pra viver. Oh, ganhar ou perder, eu vou estar aqui pra viver. Oh, ganhar ou perder, eu vou estar aqui pra viver. É o que você rima? Brother music in a house, a saber bota aguenta. Ricky man in a house, a saber bota aguenta. Boy in a house, a saber bota aguenta. Dynamo in a house, a saber bota aguenta. Se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Yo me río, no tengo tiempo para lo que no. el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Pero me di que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, te fue. No, pues que muy tragadito. Que estoy buscando melao. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve. Tú eras la mala suerte porque ahora la bendición me llueve. Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.

qui sort en équipe avenue Montaigne, France en premier. J'suis avec ma go en fourraillé au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Xaveco, como é que tá tudo bem? Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Xaveco, como é que tá tudo bem? É mafiosa, é mafiosa. É mafiosa, salto novo e bolsa nova. É mafiosa, é mafiosa. Com a mafiosa não brinca com seu homem. Então faz, eu me apaixonar. Vem comigo nesse samba, vamos ver se isso vai rolar, meu bem. Je laisse le volant, la vitesse augmente, monte le volume, elle est choquante. Ce soir on sort et c'est moi qui chante. On va le cacher à tous mes potes qui rentrent. On est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50 et on est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Eu tô bem. Mes armes, c'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. É o marrocano e a brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita, eu tô bem. Bon time. On a du bon time. Un défilé de bikini. Ce soir je fais la fête, mais qui m'accompagne? Mais qui m'accompagne? mis un short ou toi t'as mis un slip. Pardonne-nous. Je veux kiffer au soleil mais kiffer en équipe. Pardonne-nous. Je veux kiffer au soleil mais kiffer en équipe. Libre comme l'air, libre comme l'air. On est libre comme l'air, libre comme l'air, libre comme l'air. Quand le cache à l'air est libre comme l'air. Libre comme l'air, libre comme l'air. On libre, libre, libre comme l'air. Libre comme l'air, libre comme l'air. Et on a des chiens en l'air. Libre comme l'air, on libre, libre, libre comme l'air. Libre comme l'air, libre comme l'air. Libre comme l'air, libre comme l'air. I'm not just a lady, just I'm lucky. Arc-en-ciel 96.2 La FM, la FM en couleur. Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on the ride. Say hello, ya tú sabes, no hay más nada. Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on the ride. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale. I play with your brain, so I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. That badonka donk is like a trunk full of bass on an old school Chevy. Selling Dre Donkey Donk. All I need is some vodka, some chunky conk, and watch a chico get Donkey Kong. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lolly, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat, man. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Tonight we

aquí estás. Ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte. ¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que j'aime les airs assurés que tu empruntes au plus beau monument. c'est toi. Et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs. Juste comme ça, je me dis que c'est toi. Viens, je t'emmène loin de tout ça, loin de tes problèmes, où tu oublieras. Oh, quand bien même, si l'on s'aime, on ira. Oh, viens, je t'emmène. Pourra pas être pris. Je te promets jamais plus de te sentir isolé. Je serai toujours là à tes côtés pour te consoler. Tes problèmes, je les ai décelés. Alors maintenant, derrière moi, laisse-les. Pourquoi te fâcher? La main.

sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. botella pa' arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Vengo a mandarla hasta que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. Chocolat, chocolat, chocolat, chocolat. Je l'ai cru.

des milliers de je t'aime. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Longe de vista, perto do coração. Quatro horas em Portugal continental e na Madeira, três nos Açores.